Très bel après-midi, tout de suite, Histoire vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Brexit means Brexit. Cette semaine, histoire d'une séparation. Si un membre majeur dit à la majorité, en somme, nous on s'en va, ça veut dire qu'il y a aussi un problème chez nous. De l'après-guerre aux lendemains incertains. Le Royaume-Uni, c'est le premier pays à entamer la révolution industrielle, à entamer l'industrialisation. C'est finalement la conséquence, le premier pays aussi qui a des territoires industriels qui sont en difficulté. Brexit means Brexit. L'épopée du Brexit. C'était le refus de voir la vie de cette île conduite à partir de Bruxelles. The British people took in a referendum. On a trop tendance à caricaturer les Brexiteurs comme, en gros, des demeurés. The UK has voted to leave the European Union. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Mais avec plaisir, surtout avec la radio-télévision suisse. Alors donc, je suis professeur honoraire de Paris 4, donc de la Sorbonne. Je vis maintenant en Italie. Je dirige la revue Outre-Terre. Et à partir de la fin du Outre-Terre, qui est une revue européenne, j'insiste, de géopolitique, et je vais diriger une revue italienne nouvelle qui s'appelle Mondo Nuovo. Et le premier numéro est consacré justement à l'Italie. Il s'intitule « È tornata l'Italia » avec point d'interrogation « Est-ce que l'Italie est revenue sur le devant de la scène ?» Voilà. Et comment vous appelez-vous ? Et je m'appelle Michel Corinman. Alors je m'appelle Marie-Claude Esposito et je suis professeur des universités en poste à la Sorbonne Nouvelle. Ma spécialité, c'est la civilisation britannique. La spécialité de la spécialité, c'est l'économie britannique. Et je m'intéresse beaucoup à la City de Londres. Histoire vivante. On va peut-être faire la présentation déjà de la revue. Qu'est-ce que c'est que cette revue Outre-Terre ? De quand date-t-elle ? Quel est son concept ? Quelle est son approche ? Quelle est sa parution ? Quels sont les thèmes qu'elle embrasse ? La revue existe maintenant depuis une vingtaine d'années. Elle a succédé à une revue que j'ai fondée en Italie, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'IMES, Rivista Italiana di Geopolitica, que j'ai créé au début des années 90. Et en gros, ça sanctionne, en somme, les deux grandes périodes qui m'ont, moi, animé, parce que je crois que nous tous, notre biographie, ou plutôt ce que nous faisons intellectuellement, c'est très lié à nous, au fond. Et moi, mes deux grandes césures, en somme, ça a été la fin de la guerre froide, et c'est maintenant ce que j'appelle la période post-45, c'est-à-dire que tous nos critères se sont effondrés. Et justement, ce numéro Brexit que nous avons fait, c'était un des premiers grands moments de cette nouvelle césure. Et vous savez bien, ça vous a pas échappé, que sur les très grands sujets que nous venons de vivre, c'est-à-dire que ce soit le Brexit, l'arrivée de Trump au pouvoir, etc., le tout Sciences Po, qu'il soit parisien, genevois ou romain, s'était véritablement complètement trompé. Alors, la chose amusante, c'est que les mêmes qui disaient que ça se produirait jamais, après, ont joyeusement et très vite oublié ce qu'ils avaient dit et se sont mis plus ou moins à dire le contraire en se rongeant les ongles, parce que c'est, pour eux, c'était horrible. La géopolitique, si vous voulez, telle que nous l'avons créée, sous l'obédience évidemment de Yves Lacoste, qui était le grand créateur en France, j'ai fait partie du petit cénacle qui a créé la revue Hérodote. Donc tout ça remonte évidemment à la fin des années 70, au début des années 80. Je crois que nous sommes arrivés justement au moment où on on allait vers la fin de la guerre froide. Et comme on s'enregistrait d'ailleurs à l'époque, je me souviens qu'il y avait eu des grands débats sur est-ce que c'est possible que l'URSS implose ou pas, des débats entre nous que nous avons enregistrés. Alors voilà, ça c'était vraiment le premier moment. Et alors le deuxième grand moment, c'est quand on voit que tout le monde se trompe sur les grands sujets. Alors là, ça pose quand même une vraie question, parce que si les gens qui sont payés par nos États respectifs se trompent tous, mais vraiment à 100%, ça veut dire que là, il y a vraiment un problème. C'est pourquoi les derniers numéros, et là je réponds diamétralement à votre question, les derniers numéros d'Outre-Terre ont été tous consacrés à ces sujets-là. Donc le Brexit que j'ai fait très largement avec Marie-Claude Esposito, elle a été la cheville ouvrière, ça c'était un des sujets, c'est-à-dire comment on pouvait s'expliquer ça au fond. Et après on a fait un très gros numéro sur Trump, où dès le début, je ne suis pas une sorcière ni un sorcier, mais je me souviens avoir fait une conférence l'après-midi même de l'élection, en me disant, j'ai pas dit que Trump allait gagner, on se comprend bien. Mais j'ai dit, attendez, c'est peut-être pas aussi simple et aussi net que l'immense majorité des commentateurs le disent. Faudrait peut-être regarder quand même. Et d'ailleurs, je dois vous avouer que je suis rentré à mon hôtel après ma conférence le soir. Et j'ai commencé à regarder sur CNN, c'est pas que j'adore CNN, au contraire j'aime pas trop, mais quand même comme on n'a rien d'autre d'américain se mettre sous la dent, j'ai regardé le soir. Et je vois que, je sais plus où, c'était au Wisconsin, je sais plus où, Trump était à 75. Je me dis, bon, ça doit être un cas. Et le matin, en réveillant, je regarde, et je vois, c'est une vague trumpienne. Bon, qu'il faut pas surestimer, puisqu'on voit, il avait pas gagné, mais quand même. Et je promets à tous mes compatriotes que je serai le président de tous les Américains. Comme je le dis depuis le début, notre campagne a été un mouvement incroyablement puissant, composé de millions d'hommes et de femmes qui travaillent dur et aiment ce pays, et qui souhaitent un avenir plus brillant pour eux-mêmes et leurs familles. Et tous les numéros d'Outre-Terre, maintenant, sont balisés comme ça. D'ailleurs, on est en train de construire un numéro sur le Brésil, avec mon ami Hervé Terry, qui est entre le CNRS Ulm et São Paulo. Et il me dit que pour Bolsonaro, par exemple, l'élection, ça a été un peu du même goût. C'est-à-dire que toute la classe politique, au fond, s'est dit, mais comment c'est possible ? Se libertar da inversão de valores do gigantismo estatal e do politicamente correto. Vous reprenez dans l'article qui introduit ce numéro de 2016 une thèse de Dominique Sandbrook, dont je lis quelques lignes. Si les Britanniques ont voté majoritairement pour la sortie de l'Europe, c'est parce qu'ils ont un sentiment d'exception nationale, de destin collectif unique et de possibilités victorieuses d'une île. Je trouve ces mots particulièrement clairs, cet énoncé particulièrement juste, parce qu'il faut d'abord penser l'Angleterre comme une île. Quand je suis allé la première fois, je devais avoir 15 ans quoi, en Angleterre, j'avais l'habitude de l'anglais américain, vous voyez qu'on avait tous dans ces années-là. Quand je suis arrivé à Douvres la première fois de ma vie, je croyais que les gens se moquaient de moi quand ils parlaient anglais et qu'ils jouaient des personnages de Dickens uniquement pour se moquer du malheureux qui arrivait de France. C'est vous dire à quel point j'étais surpris par les Anglais qui étaient pour moi comme des Japonais d'Europe. Donc je les ai toujours trouvés très singuliers. Et la deuxième expérience que j'ai faite avec des Britanniques, c'était en Thaïlande, à une époque où le groupe de presse dont je faisais partie à Rome m'avait demandé d'aller voir comment était Asia Times, qui est le grand journal sur l'Asie. C'était les Britanniques qui le tenaient, c'est-à-dire ils mettaient tout le temps Asia Times, une revue asiatique pour les Asiatiques, il y avait zéro Asiatique, ils étaient tous Anglais ou Américains, et c'est là que j'ai négocié et que j'ai vu que les Britanniques c'est des durs, c'est-à-dire que c'est tout le contraire de ce qu'on croit, c'est vraiment des... Ils sont très singuliers. Ils sont aussi durs. ils sont très durs. Tout le monde vous le dira en affaires. Même les Allemands, c'est des tendres à côté des Britanniques, qui sont des sauvages dans une négociation. Et quand j'ai découvert ce livre que vous citiez tout à l'heure, qui est un livre merveilleux, mais merveilleux. Dominique Sandbrook, qui s'appelle The Great Dream Factory. Et le sous-titre est absolument génial. Ça s'appelle Une curieuse histoire de l'imagination nationale, de l'imaginaire, sans doute, il faudrait dire, national imagination. Alors, ça, déjà, c'est formidable, parce que vous savez qu'en géopolitique, les représentations priment souvent sur la réalité. Moi, j'ai des enfants encore assez petits, et je me suis aperçu que comment ils se sont formés géopolitiquement dans leur tête. Alors, il y a plusieurs vecteurs, il y a les manuels scolaires, il y a les cartes, la carte qui est au fond de la salle de classe, la carte. On attrape ça à 10 ans, à 7 ans, à 5 ans, et après c'est fini. Et ensuite, c'est les paysages. Et c'est là que les représentations, ce mot lacostien fondamental, se forgent comme des formants un peu linguistiques. Et alors, quand ce livre est sorti de Dominique Sandbrook, qui est un livre mais magnifique, parce qu'on retrouve en même temps toute notre enfance, notre jeunesse, les Beatles, Downton Abbey, enfin, tout ça est dedans. Seulement, on le retrouve comme si c'est un véritable historien. Il a fait une histoire de la culture britannique contemporaine. Comment les Britanniques, enfin une majorité, je pense, de Britanniques, lui-même, il était Remain. Lui, c'était vraiment c'est l'intellectuel typique qui, lui, voulait rester à l'intérieur de l'Union européenne. Et il montre, à travers tout ça, à quel point ils se ressentent, eux, comme singuliers et comme exceptionnels. Mais, d'autre part aussi, qu'ils ont marketé, ils ont vendu leur branding, en somme, d'anglais, ce dont nous, on ne se rendait pas compte quand on regardait les Beatles, vous savez. Je vous cite de la mini-jupe à l'auteur de James Bond. En fait, toutes les icônes britanniques sont appliquées à marketer, je reprends votre mot, c'est l'exceptionnalisme ça. Britannique. L'exceptionnalisme, c'est à eux, et ils se ressentent comme... C'est-à-dire qu'on sent que chez eux, il y a une globalisation dans les têtes de la représentation. Quand Theresa May a commencé à parler de Global Britain, il y a plein de gens qui ont fait des sourires, etc. C'est pas vrai, ils ont tort. I want us to be a truly global Britain. Même si la Grande-Bretagne n'a pas cette place. Mais dans leur esprit à eux, ils se sentent vraiment très importants. D'où l'immense intérêt de ce livre. Alors ça aussi, c'est une des choses qui est en géopolitique. Non traduit, j'imagine, malheureusement. Et il n'est pas traduit. Il n'est pas traduit. Il est traduit. Ça doit être dur à traduire. Ça, je reconnais que là, il faut quelqu'un de totalement bilingue, mais aussi biculturel. Parce que toutes Avec les doigts, ça s'appelle des subtilités, ce que vous êtes en train de faire comme signe. D'énormes subtilités. D'énormes subtilités. Et ça veut dire qu'il faut connaître tout ça, avoir lu tout ça, quand il vous fait l'histoire de tel et tel groupe musical. On se souvient vaguement que ça a existé, tout ça. Un tel qui était contre un tel qui était plus... Elton John, par exemple. Alors, ses rapports avec la reine, etc. Vous voyez, vous direz, c'est pas quelque Margaret chose, Thatcher. Ça dit quelque chose de l'ADN. C'est là qu'on arrive à la chose tout à fait fondamentale, vous avez complètement raison. Ça, en géopolitique, c'est majeur. C'est-à-dire que si vous parlez avec quelqu'un qui fait de la Sciences Po, il vous dira que tout ça, c'est marginal. C'est aussi pour ça qu'ils se trompent, parce que ils font souvent, en Sciences Po typique, l'erreur de marginaliser tout ce qui, dans leur idée à eux, fait pas partie de la science. Alors déjà, moi, je pense que parler de science dans les sciences humaines, c'est déjà très incongru. Alors, si on regarde toutes les erreurs commises... De l'audace, encore de l'audace. Mais là, l'audace, c'est encore un euphémisme. Alors que nous mettons au centre de notre réflexion, mais cette singularité britannique, les chanteurs, tout ça, ce sont des choses tout à fait extraordinaires, et dont nous n'avions, peut-être eux-mêmes n'avaient pas, quand ils se sont vendus, les Beatles à l'époque, dans les années 60, peut-être qu'ils n'avaient pas non plus le sentiment de faire ça, enfin de le mettre en scène. Mais lui dit qu'ils avaient tout à fait le sentiment de se mettre... La fameuse phrase de John Lennon vis-à-vis de la supériorité en termes de renommée du Christ, ou tout au moins autant l'égalité, attestée au moins que l'un des quatre avait cette lucidité-là. Il y a quelque chose tout à fait... Non, le livre est vraiment un livre non seulement majestueux, parce qu'il sait tout, mais en plus c'est un livre magistral, parce qu'il explique pourquoi, à mon avis, une majorité de Britanniques sont sortis. C'est pour ça, moi je ne sais pas ce qui va se produire, je vois bien dans quel embarras maintenant ils sont, et surtout je vois qu'ils n'avaient pas préparé. Là, quand même, il y a quelque chose d'embêtant. Brexit means Brexit. Histoire vivante. Cette semaine, histoire d'une séparation. The UK has voted to leave the European Union. Jean Leclerc. Pourriez-vous nous aider, Marie-Claude Esposito, à nous rappeler ce qu'est le paysage politique au moment du Brexit ? Le paysage, à l'époque, est le suivant. David Cameron est un conservateur. Le parti conservateur est seul au pouvoir. Alors qu'à l'élection précédente, en 2010, les conservateurs n'avaient pas eu la majorité et ils avaient dû faire alliance avec les libéraux-démocrates pour avoir la majorité au Parlement. Les libéraux-démocrates, ce sont, je dirais, les seuls vraiment pro-européens de toutes les tendances politiques au Royaume-Uni. Donc, Cameron s'est retrouvé, quand il se retrouve seul, et il se retrouve avec le conflit au sein de son propre parti entre les pro-européens à leur manière et les anti-européens va redoubler d'importance. La crise couvait, on va dire, depuis 2011. Il était allé voir l'Union européenne pour lui demander des avantages supplémentaires. Bon, ça s'était pas très bien passé parce que il faut se rappeler qu'à cette époque-là, l'Union européenne est en crise avec La suite de 2008. La suite de 2008, le problème de la dette souveraine. Donc l'Union européenne essaye de prendre des mesures pour éviter une catastrophe au niveau de la finance. Elle essaye de monter une union bancaire. Tout le monde n'est pas vraiment d'accord. Par exemple, Angela Merkel n'est pas vraiment d'accord avec la position de la France. Le Royaume-Uni va essayer d'en tirer profit. Il considère que les mesures que souhaite appliquer l'Union européenne, il n'a pas à les respecter parce qu'il ne fait pas partie de la zone euro. Il a l'air d'oublier quand même qu'il fait partie du grand marché unique des services financiers. On ne peut pas se rappeler de tout. Bon, et donc il essaye d'obtenir des avantages. Et comme les discussions se passent mal à cette époque-là, il met son veto aux décisions de l'Union européenne. C'est un message envoyé vers... C'est un message envoyé vers son parti et vers la Chambre des communes. Eux vont être très contents. Alors, pour essayer de sortir du problème, le Royaume-Uni met son veto. Certains pays de l'Union européenne décident, eux, de se mettre ensemble pour concevoir les mesures financières et les appliquer. Et en donnant la possibilité à tout pays qui voudrait rejoindre ce noyau-là, de pouvoir le faire. C'est ce qui se passera dans les faits. Tous les pays autres que le Royaume-Uni décideront de suivre les décisions qui sont prises en matière financière pour éviter une nouvelle catastrophe. On est encore dans la résonance de la crise appelée alors systémique. Oui. Et alors c'est quand même assez curieux parce que après la crise de 2008 où le Royaume-Uni avait... C'est un pays qui a été bien plus frappé par la crise financière de 2008 qu'un pays comme la France ou qu'un pays comme l'Allemagne. Là, ils ont pris de plein fouet. Pourquoi ? C'est la nature de leur économie ? Non, c'est la nature de leurs finances parce qu'ils étaient beaucoup plus... Engagés et ils avaient des banques qui avaient pris beaucoup plus de risques. Et donc, à la suite de ça, le gouvernement qui à l'époque était un gouvernement travailliste, c'est la fin du gouvernement travailliste, hein, 2008, et les élections ont lieu en 2010, et là c'est Gordon Brown, la fin. Voilà, donc Gordon Brown a été le premier qui a mesuré à quel point la crise financière était forte, et il a pris des mesures très fortes. Mais en 2012-2013, les banques britanniques n'étaient pas, les grandes banques hein, commerciales n'étaient pas encore dans une très bonne situation, et le gouvernement britannique avait été obligé de nationaliser ces banques-là, c'est-à-dire que le Trésor britannique a mis énormément d'argent pour calmer le jeu dans la City. En France, ça s'est pas du tout passé comme ça. Bien sûr, c'était sous Sarkozy. Le gouvernement français a prêté de l'argent aux banques françaises pour éviter leur faillite. Mais les banques françaises ont été en mesure assez vite de rembourser ce qu'on leur avait prêté. Il n'y a pas eu de nationalisation. Et même l'État français a gagné de l'argent avec les banques françaises. Donc ça s'est passé très différemment. The British people took in a referendum. Lors du référendum justement sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union européenne, quelle est la question qui est posée? Est-ce que c'est une question simple? Très simple. Très simple. Je crois que c'est souhaitez-vous que le Royaume-Uni reste dans l'Europe ou souhaitez-vous que le Royaume-Uni quitte l'Europe? Ça avait le mérite d'être clair, en effet. Quelles sont alors, à partir du moment où les campagnes commencent, j'entends les campagnes politiques, les arguments des uns et des autres? Bon, les questions économiques vont peut-être dominer la campagne. Mais il y a d'autres questions comme souveraineté du Parlement. Il y a la question de la sécurité aussi. L'immigration, bien sûr. Vous allez avoir une campagne très dure. Décomplexée, on va dire. Voilà. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est la désinformation qu'il y a pu y avoir au cours de cette campagne. Pardonnez-moi, mais quand une fake news arrive, c'est une information de plus, quand même elle est tordue, mais quelque chose fait que, comme on pourrait dire d'un feu de forêt, ça prend. Si ça prend, c'est que les esprits y sont déjà à tout le moins préparés. Oui, alors là on va aborder les causes du Brexit. Mais je vous y invite. Alors les causes du Brexit, vous avez forcément, comme pour tout phénomène, des causes de court terme et des causes plus de long terme. Parmi les causes de court terme, l'attitude de Cameron, je pense qu'il a pris un risque énorme parce qu'il ne savait pas se sortir d'un problème au sein de son propre parti. Interne, voilà. Mais c'est un peu la politique de Ponce Pilate. Après, ça a été la politique de Ponce Pilate, parce que même il devait rester quelques semaines encore après le vote. Il a démissionné dans les 48 heures. Donc, il s'en est lavé les mains complètement. Enfin, je pense que lui, sa carrière politique est totalement ruinée. Mais enfin, c'est bon. Une sortie peu élégante. Oui, c'est ce qu'on peut dire au minimum. En maniant la litote. Il y a un problème aussi avec le chef du parti travailliste. Il a un parti qui, globalement, souhaitait que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Et lui, il a défendu cette position du bout des lèvres. Après, il y a l'attitude de UKIP, qui a été quand même menée une campagne de désinformation totale, en racontant... Excusez-moi, j'ai utilisé une expression un peu triviale, en racontant n'importe quoi. Les tabloïds étaient en écho, on l'imagine. Les tabloïds étaient en écho, mais ça, ils ont toujours été cette presse-là, elle fait un travail de sape depuis de nombreuses années. Cher Rupert Murdoch, oui. Il a dû évidemment, à cette occasion, se frotter les mains. Oui, bien sûr. Alors, dans les causes de long terme, c'est-à-dire des causes plus structurelles, on peut avancer la question de la souveraineté du Parlement. On peut avancer des causes économiques. On peut avancer la question de l'immigration. Voilà au moins trois grands types de causes, je dirais, un peu structurelles. Concernant la question de l'immigration, Marie-Claude Esposito, en sachant qu'on avait jusque-là, mais sans doute était-ce une carte postale, la représentation d'une Grande-Bretagne qui assimilait assez aisément ces populations, les faisant vivre simplement côte à côte, sans chercher à faire comme peut le faire la France, un processus de bien plus grande intégration. Oui. Et tout d'un coup, on découvre, tout d'un coup, c'est peut-être parce qu'on avait les yeux bouchés, un Royaume-Uni beaucoup plus engagé et opposé à cette autre présence. Oui, alors, oui, c'est intéressant. Si je peux me permettre, je n'aurais pas utilisé le mot « assimilé » pour le Royaume-Uni. Je pense qu'il faut le garder pour la France, qui a pendant longtemps essayé d'assimiler les populations étrangères, ce qu'elle ne sait plus faire depuis déjà pas mal de temps. Alors le Royaume-Uni, c'est ce que vous dites, il a beaucoup de populations d'origine étrangère qui sont arrivées au Royaume-Uni avec le mouvement de décolonisation de l'Empire. Et alors là, le problème de l'immigration s'est posé en ces termes-là. C'était l'immigration récente, l'immigration qui venait depuis les pays de l'Europe centrale. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que quand il y a eu le dixième élargissement, et il faut savoir que le Royaume-Uni a toujours poussé pour les élargissements, c'est-à-dire pour qu'il y ait une Europe de plus en plus vaste. Bon. Quand il y a eu, j'ai dit le dixième élargissement, je me suis trompée, c'est le cinquième élargissement. C'est celui qui va faire rentrer 10 pays. Les 10 pays, Hongrie, République tchèque, etc. L'Union européenne avait prévu une chose de clause de sauvegarde pour justement éviter que l'afflux de travailleurs venant de ces 10 pays déstabilise complètement les marchés du travail des pays qui étaient dans l'Europe déjà depuis bien plus longtemps. Confère le plombier polonais. Voilà. Donc il y avait une sorte de clause de sauvegarde, c'est-à-dire que pendant un certain nombre d'années, il y avait une période de transition pendant laquelle les différents pays déjà dans l'Union européenne pouvaient mettre des restrictions à cette immigration. Et le Royaume-Uni, lui, avait ouvert complètement ses frontières. Donc, il a accueilli énormément de Polonais, de Tchèques, une population jeune, bien formée. Besoin de main-d'œuvre, donc. Oui. Dans quel domaine ? C'était des gens qui avaient souvent fait des études, mais qui ont trouvé des emplois dans les services, l'hôtellerie, beaucoup. Donc, ils ont accueilli cette population. Et bien sûr, quand le parti UKIP commence à prendre l'importance, il va cibler cette population en disant qu'elle prend les emplois des Britanniques, elle coûte en termes de scolarité, en termes de frais médicaux, etc. Bon. Or, il faut savoir, alors là je peux vous dire, toutes les études économiques que j'ai lues, qui ont été faites sur quelles sont les conséquences de cette immigration sur l'économie de la Grande-Bretagne, ont toutes dit que ça avait été positif pour la Grande-Bretagne. Ce qui est très différent de ce qui se passe en France. Nous, chez nous, l'immigration nous coûte beaucoup d'argent, mais pas au Royaume-Uni. Ça, malgré toutes les études, ça a continué à être alors, dit dans la presse tabloïd, et puis ça a été... tous les politiques qui voulaient que le Royaume-Uni... sortent de l'Union européenne, ont utilisé cet argument comme argument massu pour expliquer que le Royaume-Uni devait quitter l'Union européenne. Était avec nous aujourd'hui pour ce premier épisode consacré au Brexit, Michael Corinman, directeur de la revue Outre-Terre, et Marie-Claude Esposito, spécialiste de civilisation britannique dans le domaine spécifique de l'économie. Vous trouverez sur le site d'Histoire Vivante la référence à ce numéro d'Outre-Terre consacré au Brexit. Brexit means Brexit. Demain, nous ferons place à l'histoire en rappelant les tensions multiples qui ont accompagné le couple Europe-Royaume-Uni, aboutissant au processus de séparation dont on ignore encore aujourd'hui les termes définitifs.